processus de conscientisation et équilibre de vie. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! Le processus de conscientisation peut amener la personne, le vivant, à déséquilibrer ses rapports avec les gens de son entourage sur le plan physique. Cela s'explique si elle ressent de la fascination au début, lorsqu'une relation consciente s'installe entre elle et son esprit qui entre en contact avec elle et lui communique de l'information sur le plan psychique. Cette situation peut occasionner beaucoup de souffrance. Par conséquent, il peut s'avérer pertinent que l'individu qui se conscientise soit avisé en début de processus de fusion de son âme avec l'esprit de l'impact néfaste que peut avoir le contact avec l'esprit sur sa vie afin qu'il ne déséquilibre pas toute son existence à cause de lui. Par exemple, un individu inconscient de l'existence du plan mental peut passer ses soirées, l'été, à boire de la bière devant un feu extérieur avec des amis. Il a une conscience matérialiste et il ne s'intéresse pas du tout à la conscience supramentale. Il ne cherche qu'à avoir du plaisir sur le plan matériel. Sa vie est centrée sur le plaisir des sens physiques et c'est tout à fait normal, car il ne connaît rien d'autre alors. Puis son esprit entame une communication interne avec lui et sans le savoir, il commence à fusionner avec lui en intégrant son énergie au fil de ses échanges télépathiques. Tout d'un coup, il reçoit beaucoup d'informations par la pensée qui provient de son esprit et il se sent très inspiré. Alors il change de comportement de manière radicale. Il va se spiritualiser et négliger sa vie sur le plan matériel. Il centre son attention sur le plan psychique au détriment du plan physique. Il délaisse soudainement ses activités avec ses amis, sa compagne et les membres de sa famille pour consacrer son temps libre, presque exclusivement, à écrire et faire des enregistrements se rapportant à la grande quantité d'informations qu'il reçoit tout d'un coup. Comme il se montre ouvert, l'esprit lui achemine beaucoup d'informations dans sa conscience, et cela nuit et jour. Il commence à vivre des problèmes d'insomnie. Plus il s'ouvre à la communication interne et plus il en connaît. Comme la perception de l'esprit est nouvelle dans sa vie, elle le rend aussi enthousiaste que les premiers temps où il s'était acheté sa première guitare qu'il avait rendue euphorique. Il était alors tellement fasciné par l'instrument de musique qu'il passait plusieurs heures par jour à en jouer au détriment de ses relations avec les gens de son environnement. Il avait alors une conduite excessive. Comme il constate qu'il reçoit plein d'informations venant de l'esprit, à la différence de ses amis, qui ne vivent pas ce phénomène de communication intérieure, il se croit automatiquement mandaté par l'esprit pour éveiller les consciences des gens sur Terre. Étant donné qu'il se conscientise, il désire aussi que les autres en fassent autant en même temps que lui et au même rythme. Le fait d'avoir accès à des informations que les autres n'ont pas nourrit en lui un orgueil qui l'amène à se croire plus intelligent qu'eux et à s'imaginer qu'il doit jouer au sauveur avec ces derniers et prendre en charge leur évolution de conscience. En fonction des informations qu'il reçoit de l'esprit, il se met à confronter des gens de son environnement qui ne l'ont pas demandé en croyant faire le bien en vue de les aider à évoluer. Par contre, cela crée des conflits parce qu'il manque de diplomatie dans son approche et qu'il ne réalise pas que certains d'entre eux n'ont pas la capacité psychique d'absorber du matériel hautement vibratoire. Donc, il cherche à enseigner des choses à des gens qui n'ont pas la capacité de les comprendre parce qu'ils ne vivent pas la fusion avec l'esprit et ne disposent pas de conscience vibratoire. Au début de sa fusion, il néglige ses amis, sa compagne et sa famille pour consacrer beaucoup de temps à l'écriture de textes et à la réalisation d'enregistrements, car il vit une grande quantité d'enthousiasme et d'espoir à l'égard de contenus qu'il reçoit de son esprit qui lui enseigne des choses qui sont nouvelles pour lui. Il nourrit la croyance qu'en véhiculant ces informations, il va changer le monde pour le mieux. L'essentiel des informations qu'il canalise vise à régler de nombreux problèmes se rapportant à l'humanité présente à l'égard de la menace terroriste, le stress, la santé et de l'évolution de la science. Il croit qu'il n'a qu'à diffuser les informations sur l'Internet pour que le monde change rapidement et devienne conscient. Puis, avec les mois, s'installe une fatigue en lui, en relation avec ses activités d'écriture et de production d'enregistrement qui sont constantes. Il réalise qu'elle lui gruge beaucoup d'énergie et qu'elle ne lui donne peu ou pas de retour en proportion des énergies qu'il investit à les effectuer. Il vit une désillusion se rapportant à l'impact de ses activités qu'il idéalisait au début. Il réalise que ses documents n'intéressent peu de gens. Il constate que ce n'est pas parce que quelque chose lui apparaît comme étant simple qu'elle s'avère aussi évidente pour les autres. Il prend conscience aussi que beaucoup de personnes qui vivent un processus de conscientisation ont souffert d'un grand enthousiasme au début à l'égard de leurs activités s'y rapportant comme lui. Il parle avec plein d'écrivains dans le domaine de la conscience qui rédigent des livres qui ne se vendent peu ou pas ou qui donnent des conférences qui ne sont peu ou pas rentables sur le plan financier. Comme il ne veut pas connaître le même sort qu'eux, il décide de changer son rapport avec les activités ayant trait à l'expression de son esprit. Il arrête de faire constamment des textes et enregistrements. Il n'est plus naïf en ce qui a trait à leurs impacts sociaux, tout au moins à court terme. Il n'a plus l'espoir que ses activités lui permettent de vivre un jour décemment en rapport à des revenus liés à la vente de livres ou à la réalisation de conférences ou d'ateliers. Par conséquent, il juge imprudent et naïf l'idée de quitter son travail qu'il avait avant sa fusion dans l'espoir de vivre avec les revenus de réalisation de livres, conférences et ateliers se rapportant aux informations qu'il reçoit de l'esprit. À présent, le même individu se remet à passer du temps à boire de la bière devant un feu l'été avec des amis et à accorder plus de temps à sa compagne et sa famille comme il le faisait avant. Maintenant, sa priorité est d'avoir des rapports avec des gens sur le plan physique plutôt qu'avec son esprit sur le plan psychique. Néanmoins, il peut accéder à ce dernier et bénéficier de son intelligence à tout moment lorsque cela fait son affaire. Il peut alors décider d'arrêter la communication avec lui la nuit pour éviter de souffrir d'insomnie. Il a pu aussi tirer profit de son éclairage sur sa relation avec ses amis, compagne et membres de sa famille. Ce dernier lui a permis de faire des ajustements constructifs dans ses relations avec eux et de mettre fin à des relations avec certaines personnes dans le but de moins perdre inutilement de l'énergie et d'être davantage respecté. Donc, sa vie relationnelle s'est grandement améliorée avec les individus sur le plan physique aujourd'hui. De plus, il peut écrire des textes et faire des enregistrements de nouveau, mais lorsqu'il n'aura rien d'autre à faire de mieux. Par exemple, il va écrire des textes quand ses amis ne sont pas disponibles ou lorsqu'il ne peut pas sortir dehors parce qu'il pleut. Sa vie n'est plus centrée sur ses activités avec l'esprit. Il se redonne le droit de s'amuser sur le plan matériel plutôt qu'à être continuellement en service du plan psychique. Il ne néglige plus ses amis, sa compagne et les membres de sa famille au profit de sa relation avec l'esprit. Il retrouve alors un équilibre de vie entre le plan physique et psychique. Il réapprend à avoir du plaisir dans la vie avec ses proches, mais avec un niveau de conscience différent. Il ne cherche plus à ajuster les gens de son entourage automatiquement en fonction de ce qu'il reçoit comme information intelligente venant de l'esprit. Il apprend à être discret et à ne présenter que du matériel venant de l'esprit qu'à des individus si seulement cela les intéresse réellement et qu'il évalue qu'ils sont vraiment prêts à entendre les choses qu'il peut leur dire. Les conflits avec les gens de son environnement, se rapportant à la diffusion d'informations de l'esprit qu'ils ne veulent pas entendre, disparaissent. À ce moment-là, il ne souffre plus de la fusion et il est heureux dans la vie. Pour résumer, dans cet exemple, il est question du cas d'un individu inconscient qui vit une mutation de sa psyché suite au processus de la fusion. Lorsqu'il s'avère inconscient, il vit seulement en fonction du plan matériel qu'il fascine. Il n'est pas en communication consciente avec le plan psychique où se trouve son esprit. Lorsqu'il se conscientise, il découvre le plan psychique et il devient rapidement fasciné par lui et néglige son rapport au plan matériel. Il se spiritualise. Ensuite, il vit des désillusions en proportion de son idéalisation et de ses croyances se rapportant à son esprit. Après, il apprend à relativiser son importance dans sa vie, puis il se réapproprie le plan physique en bénéficiant de l'intelligence venant du plan psychique. Il vit alors un rapport équilibré entre le plan matériel et psychique. Il devient un être intégral qui vit intelligemment sa fusion avec l'esprit. Voilà ce qui termine maintenant la lecture du texte qui s'intitule « Processus de conscientisation et équilibre de vie ».